Bureau Vallée, encore à vos côtés. Nos magasins sont ouverts. Nos équipes vous conseillent pour vos besoins de papeterie, informatique, cartouches d'encre et fournitures de bureaux. Rendez-vous dans nos magasins et sur bureau-vallée.fr. Bureau Vallée, le discount est dans notre nature. Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, le roman de John Steinbeck, Les raisins de la colère. La raison pour laquelle le roman est devenu si représentatif de la Grande Dépression, c'est parce que Steinbeck l'a écrit sur le vif. Il le dit lui-même dans une lettre. Il veut écrire l'histoire au moment où elle se fait, et il ne veut pas se tromper. Il a mis environ 100 jours à écrire le roman, en réaction à ce qu'il avait vu dans la Grande Vallée. Gavin Jones, professeur de littérature à l'Université de Stanford, dans le documentaire « Le roman de la colère » réalisé par Priscilla Pizzato en 2018. Le roman « Les raisins de la colère » est en effet devenu le grand roman de la crise économique des années 30 aux États-Unis. Dès sa publication en 1939, le roman est un immense succès. En 1940, on remet le prix Pulitzer à son auteur John Steinbeck. Et la même année, le réalisateur John Ford adapte le roman de Steinbeck au grand écran. Le film de John Ford va d'ailleurs devenir lui-même un grand classique. L'accueil reçu par Les raisins de la colère est un moment intéressant dans l'histoire de la littérature américaine. Parce qu'il y a eu une telle controverse autour du livre, qu'il a été tellement lu et commenté, un député s'est même levé à la Chambre des représentants en disant que c'était un mensonge et une calomnie. Les Californiens étaient furieux contre Les raisins de la colère, qu'ils ont détesté. Ils ont dit, Steinbeck, un enfant du pays, il nous fait tous paraître égoïstes et cupides, comme si on était tous propriétaires de grands domaines, qu'on ne voulait aucun nouvel arrivant sur ces terres. Donc les Californiens ont détesté le livre. Des exemplaires ont été brûlés par des fermiers, je crois, et des propriétaires du comté de Kern, en Californie. Et comme cela s'était passé à l'époque pour la case de l'oncle Tom, des romans ont été écrits en réponse aux raisins de la colère. L'un de ces romans s'appelait « Les raisins de l'allégresse », je crois, ce qui suggérait un tableau nettement plus idyllique. On l'a traité de communiste, donc le FBI s'est intéressé à lui. Mais le vote populaire a contredit ce rejet, parce que ça a été tout de suite un best-seller, il a tout de suite rencontré son public. La première dame, Eleanor Roosevelt, a visité les camps de migrants et défendu Steinbeck en disant qu'il avait écrit la vérité et qu'elle n'en avait jamais douté. Le président Roosevelt a lu le livre. Je crois qu'on peut dire que toute l'Amérique le lisait en 1939. His mother said we've got to get away. Now the 12. À nouveau, un extrait du documentaire « Le roman de la colère » de Priscilla Pizzato, dans lequel vous entendiez différents professeurs de littérature commenter l'accueil qu'a eu ce roman de John Steinbeck, « Les raisins de la colère », à sa publication en 1939. Pour nous parler du classique de Steinbeck, je reçois Julie Roberge, qui est professeure de français au cégep André Laurendeau, qui est également chargée de cours à la Faculté des sciences d'éducation de l'Université du Québec à Montréal. Julie Roberge, bonjour. Jacques Beauchamp, bonjour. Au-delà de ce qu'on vient d'entendre, Julie Roberge, qu'est-ce qui fait de ce roman de Steinbeck, « Les raisins de la colère », l'un des romans les plus marquants de l'histoire de la littérature au 20e siècle? Bien, en fait, sans aucun doute, le fait que son thème soit universel, hein, c'est la quête d'une vie meilleure, c'est le choix de l'exode, aussi cruel soit-il, à cause du poids de la misère. Et donc, malheureusement, bien oui, c'est encore un thème d'actualité. On peut aussi parler, bien sûr, de la force dramatique du roman, la force du témoignage des petits, hein, dans le contexte du milieu des années 30 aux États-Unis. Steinbeck a donc donné la parole aux exploités, il a donné la parole aux petits. Puis aussi, sans aucun doute, parce que c'est le grand roman de la Grande Dépression des années 30. Oui, avec cette urgence, on l'entendait au tout début de l'émission, mais il écrit ça en 100 jours. Il veut tout de suite témoigner de ce qui se passe, de ce qu'il voit, de ce qui soulève sa colère. Il y a cette charge-là aussi, d'où le titre, Les raisins de la colère. Où il en est, Steinbeck, Julie Roberge, dans sa carrière, au moment où il publie ce roman-là? En fait, John Steinbeck, on l'a su, est né en Californie, en 1902, dans une région qui est connue pour ses plantations de fruits. Hein. Donc, ça va sans doute l'influencer. Au début de sa vingtaine, il n'y a pas de diplôme. Il va choisir de se promener à travers les États-Unis. Il va essayer 56 métiers. Mais ce qu'il sait, c'est qu'il veut devenir écrivain. Alors, il va écrire 4 romans qui vont être un peu passés sous le radar. Il va publier en 1937 « Des souris et des hommes », donc roman marquant dans l'ensemble de son œuvre. C'est même lui qui va superviser l'adaptation de ce roman-là au théâtre à New York puis en Pennsylvanie. Aujourd'hui, on a quand même l'impression que « Des souris et des hommes » est une pièce de théâtre. Eh bien non, c'était un roman. Et à cette époque-là, il a aussi touché au journalisme. À la fin de la décennie, il y a 37 ans, quand il va publier « Les raisins de la colère », on est donc au début de 1939. Et Steinbeck va dire de ce roman-là que, pour lui, c'est sa meilleure œuvre. Alors, mine de rien, il a quand même écrit 6 œuvres en 7 ans, alors qu'il est âgé dans sa trentaine. C'est une immense œuvre que celle des raisins de la colère. Ouais. Puis vous disiez à l'instant qu'il pratique différentes formes d'écriture, dont l'écriture journalistique. Là, il y a un lien vraiment très, très direct entre le journaliste qu'il est aussi et le romancier qu'il est également. Parlez-moi de ça. Comment lui vient cette idée d'écrire ce roman, Les raisins de la colère? Bien, en fait, c'est le San Francisco News, hein, un journal qui va lui commander une série d'articles sur les ouvriers agricoles migrants en Californie. Puis c'est en faisant cette série de reportages-là qu'il va découvrir la réalité des Hokies, le nom qu'on va donner donc aux fermiers de l'Oklahoma. On va aussi parler des Harkies, ceux qui viennent de l'Arkansas. Ces gens-là ont été chassés de leurs fermes par les banquiers. Donc, c'est parce qu'ils sont à la recherche d'une vie meilleure qu'ils vont partir pour la Californie. Et Steinbeck va d'ailleurs intégrer toute l'information qu'il va avoir recueillie pour cette série de reportages dans son roman. Parce que c'est une des particularités, en fait, moi je trouve que c'est une des forces de ce roman-là, c'est qu'on passe constamment de la fiction à l'histoire de la famille Jode au documentaire. Donc, chapitre après chapitre. Il y a un chapitre fiction, un chapitre documentaire, un chapitre fiction, un chapitre documentaire. Et Steinbeck va donc exploiter les thèmes sur lesquels il aime écrire et qui le touche personnellement, comme le destin, l'injustice, la famille, l'exploitation et l'exploitation des petits. Oui. Et qui s'équivalent, Julie Roberge, dans l'intérêt du lecteur et sur le plan littéraire, les parties documentaires et purement fictives? Ah oui, oui, tout à fait. Parce qu'on comprend l'histoire racontée dans les parties fictives parce qu'on a lu les parties documentaires. Oui. Alors, pour comprendre encore mieux ce que raconte ce roman, je vous propose d'écouter le chanteur Thomas Hellman en lire un extrait, il n'y a pas de meilleure façon, à l'émission de Marie-Louise Arsenault, « Plus on est de fous, plus on lit », en octobre 2013. La décomposition envahit toute la Californie et l'odeur douceâtre est un grand malheur pour le pays. Des hommes capables de réussir des greffes, d'améliorer les produits, sont incapables de trouver un moyen pour que les affamés puissent en manger. Les hommes qui ont donné de nouveaux fruits au monde sont incapables de créer un système grâce auquel ces fruits pourront être mangés. Et cet échec plane comme une catastrophe sur le pays. Le travail de l'homme et de la nature, le produit des ceps, des arbres, doit être détruit pour que se maintiennent les cours. Et c'est là une abomination qui dépasse tous les autres. Des chargements d'oranges jetés n'importe où. Les gens viennent de loin pour en prendre, mais cela ne se peut pas. Pourquoi achèteraient-ils des oranges à 20 cents la douzaine s'il leur suffit de prendre leur voiture et d'aller en ramasser pour rien? Alors des hommes armés de lances d'arrosage aspergent de pétrole les tas d'oranges, et ces hommes sont furieux d'avoir à commettre ce crime, et leur colère se tourne contre les gens qui sont venus pour ramasser les oranges. 1 million d'affamés ont besoin de fruits, et on arrose de pétrole les montagnes dorées. Et l'odeur de pourriture envahit la contrée. Alors, ce qu'on vient d'entendre, cette critique très, très cinglante de Steinbeck, ça nous en dit déjà pas mal sur le propos des raisins de la colère. Mais plus encore, que raconte ce roman-là, Julie Roberge? En fait, le roman raconte l'histoire de la famille Jode, qui est donc une famille fictive, mais qui ressemble à toutes celles que Steinbeck a croisées lors de ses reportages en Californie. Les personnages sont tous, en fait, des fermiers déchus parce qu'ils vivaient sur des terres qui ont été surexploitées dans le Midwest américain. Ils ont aussi été victimes du Dust Bowl, une espèce de tempête de poussière là, qui a sévi pendant au moins une bonne dizaine d'années dans les plaines du Midwest et qui ont rendu les terres incultivables. Ça, c'est le départ. Mm-hmm. Et là, ces gens-là partent donc pour la Californie. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu une affiche qui disait que là-bas, il y avait des plantations de fruits qui cherchaient 5 000 travailleurs saisonniers. Le problème, c'est qu'ils sont débarqués à 50 000. Oui. Alors, tout au long du roman, le lecteur va être témoin de l'odyssée de la famille Jode sur la route 66, la route de l'exil, la route qui va les mener en Californie, où, ben, au lieu de trouver du travail, ils vont plutôt trouver la misère, l'exploitation des petits par les riches, hein, un thème cher à Steinbeck, la faim, les camps de réfugiés. Rien de très joyeux, mais quelque chose, malheureusement, de très humain. Oui. Et un portrait, on y revient, mais très sombre de cette Amérique qui vivait aussi des moments de grande noirceur dans cette crise économique des années 30. C'était très, très dur. Il y avait des camps là, à l'intérieur même des États-Unis, des camps de réfugiés, pour rester sur ce thème que vous évoquiez. Il explore ce grand thème-là de la recherche d'un avenir meilleur, mais qui malheureusement se solde dans la misère pour la famille Jode. Il exploite ce grand thème-là par plein de thème. Puis on revient à ce portrait fabuleux qu'il fait de cette Amérique à ce moment précis. Parlons de quelques-uns de ces thèmes-là. D'abord, celui de la famille qui s'impose tout de suite là, quand on lit « Les raisins de la colère ». Ah oui, ce thème-là est tout à fait central hein, parce qu'on a l'impression, le lecteur a l'impression de faire partie de cette famille-là, justement. Les deux membres les plus influents de la famille sont Tom Jode, le fils aîné qui est rentré de prison tout juste avant le départ de la famille de l'Oklahoma vers la Californie, et Ma Jode, la mère, la matriarche, la rassembleuse du clan. C'est Ma qui va s'opposer au départ des uns puis qui va s'assurer du bien-être des autres. Ma le dit d'ailleurs hein, dans le roman, « La famille unie, c'est tout ce qui nous reste. » Malheureusement, ça ne se passera pas tout à fait comme elle l'avait prévu, ni comme elle l'aurait voulu. Parce que les Jode ont quitté l'Oklahoma à 13 personnes. Puis, à la fin, ils vont seulement être 6 après les décès de grand-père, grand-mère, le pasteur Jim Casey, qu'elle considérait aussi comme un membre de sa famille, et le départ de ses 3 garçons, là, Tom, Al et Noah, et celui aussi de son gendre Connie. Donc, c'est raté pour elle, la famille unie. Oui. Et puis, il y a... c'est intéressant, ce thème de la famille, parce que tantôt, vous disiez, il y a cet aspect documentaire, évidemment, ce portrait de cette Amérique aux prises avec cette grande dépression des années 30, mais il y a aussi un aspect littéraire important. Puis, dans la description de chacun des membres, des personnages qui composent cette famille-là, là, on a un bon exemple de cette qualité littéraire, je dirais. Oh oui, tout à fait, parce que Tom existe, il le dit dès le départ, dès le premier chapitre, il sort de prison, il accepte qu'il sort de prison, il accepte le geste qu'il a posé d'être sorti de prison, et Ma va l'accueillir comme ben, le retour de l'enfant prodigue, là. Oui, puis chacun des membres de la famille, évidemment, arrive avec ses attributs, son bagage. Autre thème central du roman de Steinbeck, puis là, on joint la grande histoire américaine, la conquête de l'Ouest, mais évidemment, une conquête de l'Ouest qui n'est pas celle à laquelle on pense habituellement. Ah non, non, on a vu plusieurs affiches, hein? Go West, Young Man, mais bon, cette conquête de l'Ouest-là, dans le Raisin de la colère, dans le roman, c'est pas du tout cette glorieuse conquête des cow-boys ou des chercheurs d'or, là, partis à la découverte du pays et de la richesse, là. Non, non, c'est vraiment une quête ratée, là, des laissés pour compte, une quête ratée de ceux qui souffrent, en fait, des excès du capitalisme. Et on l'entendait dans un extrait que vous avez fait jouer tout à l'heure, pour les Californiens qui ne comprennent pas pourquoi tous ces gens-là débarquent, ben c'est le déplacement des Blancs pauvres dans un pays où tous les Blancs auraient dû être riches. C'est ces pauvres-là qui sont en exil dans leur propre pays. Ce ne sont pas des immigrants venus d'ailleurs. Donc, c'est pas vraiment glorieux pour les Jode ni pour les autres familles de se retrouver dans cette situation-là. Mais on s'entend pour dire que l'avenir est pas vraiment à l'Ouest pour eux, là. C'est vraiment pas une belle conquête de l'Ouest. Mais ils pouvaient pas rester en Oklahoma. Mais partir ne s'est vraiment pas révélé un bon choix non plus. If you ever plan to motor west, travel my way, take the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to L.A. More than 2,000 miles all the way. Hey, get your kicks on Route 66. Route 66. Bobby Traub interprétant la chanson « Get Your Kicks on Route 66 », cette célèbre Route 66, c'est presque un personnage à part entière dans ce roman « Les raisins de la colère », Julie Roberge. Quelle place elle occupe, cette fameuse route, la Route 66, dans ce roman-là? Alors, vous avez raison, la Route 66, en fait, c'est pratiquement considéré comme un personnage dans le roman. Tout au long de la route 66, ben il y a ce qu'on retrouve normalement quand on se déplace. Donc, des hôtels minables où les voyageurs vont s'arrêter pour dormir quand ils ont de l'argent, des restaurants, des stations-service. Et évidemment, tous ces commerces-là vont exploiter les familles qui se déplacent. L'image qu'on a aussi de cette route-là, c'est une longue lignée de camions avec les membres des différentes familles qui s'entassent avec le peu de biens qu'ils ont pu apporter avec eux parce qu'ils n'ont pris que l'essentiel. Hein. Ils ont abandonné le reste de leurs possessions, si maigre était-elle. Donc, on a aussi en tête l'image du camion brinque-ballant. Imaginez ça, là, mm-hmm. avec des chaises attachées avec des cordes, empilées sur une commode, sur un matelas, les enfants par-dessus. C'est l'image qu'on a du camion, parce que c'était toute la vie de ces familles pauvres-là qui étaient dans le camion. Leur camion, c'était pratiquement... Il y avait pratiquement une âme, là. C'était un membre de la famille, il bichonnait, il en prenait soin, parce que toute leur vie tenait dans ce camion-là. Oui. Donc, la route 66, oui, c'est leur quête, mais c'est aussi leur misère. Bon, le grand thème des raisins de la colère, on y revient, on le disait, c'est ce roman-là, le grand roman de la dépression des années 30, de la crise économique des années 30. Le grand thème du roman, c'est le capitalisme inhumain, c'est ce capitalisme qui carbure à la loi du profit, à l'exploitation des travailleurs. Quel portrait fait Steinbeck de ce capitalisme-là, Julie Roberge? Oh, un portrait pas tellement reluisant. En fait, c'est l'exploitation des petits, qui est un thème cher à Steinbeck. Il va donc profiter de son roman pour décrier cette situation-là. Les Jodes ont été forcés de quitter leur terre de l'Oklahoma parce qu'ils n'arrivaient plus à produire à cause de la sécheresse de la terre, oui, mais aussi et surtout peut-être à cause de la mécanisation de l'agriculture qui a causé la sécheresse de la terre. Les petits fermiers avec leur cheval, là, ils peuvent pas grand-chose contre le tracteur. Là. Mm-hmm. Alors, les banques ont repris les terres, mais c'est qui ça, la banque? C'est pas un humain, c'est une entreprise qui est avide de profit. Donc, on est face à une économie totalement déshumanisée, ben, à la fois par l'industrialisation et, dans ce cas-ci, la météo qui n'a pas vraiment été clémente et qui n'a pas aidé les agriculteurs. Parallèlement, c'est aussi l'exploitation de l'humain par l'humain une fois que les Jodes vont être rendus en Californie. Tu sais, si 50 000 travailleurs se présentent pour faire le travail de 5 000, bon, on peut facilement penser qu'il va toujours s'en trouver pour offrir de faire le travail moins cher. C'est le principe de l'offre et de la demande. Donc, les riches propriétaires vont laisser les pauvres travailleurs se battre entre eux puis s'arracher des quelques emplois saisonniers disponibles. Ce qui fait qu'on comprend très bien que la colère créée en Oklahoma et la colère créée en Californie, ben que tout ça va mener à une grande, grande colère qui peut être, bon, dans une certaine mesure peut-être, porteuse de rêves, porteuse de révolution, quand elle est portée justement par la majorité. Et là, c'était la majorité des travailleurs qui souffraient une fois rendus en Californie. Oui. Et ça explique cette réalité décrite dans ce roman, à ce moment-là, le succès énorme qu'il va le saluer dès sa sortie. Tellement un grand succès d'ailleurs que dès l'année suivante, le roman est publié en 1939, en 1940 déjà, le roman de Steinbeck est adapté au cinéma par John Ford et le film de Ford va devenir lui aussi un classique. Et cette insensibilité, là, vous parliez des banques il y a un instant, Julie Roberge, j'ai écouté l'extrait du film de Ford. On est en plein là-dedans, dans cette dénonciation de Steinbeck, des excès de ce capitalisme, de ces banques inhumaines. J'y suis pour rien. Tout ce que je sais, c'est que j'ai reçu des ordres. On m'a dit de vous dire de partir et c'est pour ça que je vous le dis. Que je parte de ma propre terre? Pas la peine de m'en vouloir. C'est pas de ma faute. C'est la faute à qui? À qui appartient la terre? La société Shawnee des terres arables. Et qui est la société Shawnee des terres arables? C'est pas une personne, c'est une société. Ils ont un directeur, n'est-ce pas? Ils ont quelqu'un qui sait à quoi sert un fusil, n'est-ce pas? Oh, petit, c'est pas sa faute. C'est la banque qui lui dit ce qu'il doit faire. Très bien. Où est la banque? À Tulsa. Mais à quoi bon se retourner contre lui? Il n'est rien que le directeur. Et il a assez d'ennuis déjà à exécuter les ordres venus de l'Est. Alors sur qui il faut tirer? Mon vieux, j'en sais rien. Si je le savais, je vous le dirais. Mais je sais pas à qui est la faute. Eh ben moi, je sais une chose, monsieur. C'est que personne n'arrivera à me chasser de ma terre. Mon grand-père a pris cette terre il y a 70 ans. Mon père y est né. Nous y sommes tous nés et plusieurs d'entre nous y ont été tués. Donc on comprend bien le drame que vivent tous ces réfugiés économiques internes, en fait, dans les raisins de la colère. Comment est-ce qu'on parle le film de Ford au roman de Steinbeck, Julie Roberge? Ben, en fait, le film, bon, c'est un film en noir et blanc d'un peu plus de 2 heures, ça met en fait des images que le lecteur s'est imaginé. Ça met des images sur l'histoire, sur le désespoir, sur la route 66, les camps de migrants. Heureusement, peut-être que la fin du film est un peu plus optimiste que celle du roman. Man va dire à la fin du film, « We are the people », alors « Nous sommes le peuple, on se laissera pas exploiter ». Ce qui n'était pas la fin du roman. La fin du roman est un peu plus triste que ça, avec des morts supplémentaires qui se sont ajoutées à la famille Jode. Ce qui est étonnant, en fait, c'est que de voir que ce film-là, qui date donc de 1940, n'a pas eu de suite, en ce sens où il n'y a pas eu d'autres films tirés de ce roman-là. Bon, Steven Spielberg avait acheté les droits au début des années 2010, mais bon, son projet n'a pas abouti. Ça va être la même chose avec des chansons. Il n'y a pas plus de chansons sur le roman. Bon, vous avez fait jouer celle de Woody Guthrie, The Ballad of Tom Joad, au début. Bruce Springsteen en a fait une aussi, The Ghost of Tom Joad. Mais c'est tout. Ouais. Et c'est très étonnant quand on sait le succès qu'a remporté ce roman-là. Ouais. Mais ce qui est surtout resté du roman, en fait, c'est l'expression « les raisins de la colère ». On va utiliser cette expression-là pour dire les quelque chose de la colère quand il est question de quelque chose qui crée justement la colère chez un peuple. Ouais. Tu sais, les terrains de la colère, la rivière de la colère, les pistes cyclables de la colère. Et aujourd'hui, Julie Roberge, pourquoi lire ou relire cette œuvre-là? Bien, tout simplement parce que c'est un grand livre. Il a été classé à la 10e place des 100 meilleurs romans du 20e siècle, palmarès établi par la Modern Library en 98. Mais j'ai envie de dire surtout parce que malheureusement, le sujet reste toujours cruellement d'actualité. Hein. Qu'on pense aux Bold People vietnamiens des années 80, les réfugiés rwandais, les Syriens des dernières années. C'est des familles qui quittent leur coin de pays pour trouver mieux ailleurs, mais ce que ces réfugiés trouvent, c'est pas toujours à la hauteur de leurs aspirations. Alors, c'est une leçon, je pense, pour mieux comprendre le monde, dans ce qu'il y a de plus beau, de plus laid, de comprendre les humains, l'entraide pour s'en sortir, et surtout, ben, la quête d'une vie meilleure. Julie Roberge, professeure de français au Cégep André Laurendeau, chargée de cours à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Montréal, merci beaucoup. Merci, M. Beauchamp, ça m'a fait grand plaisir. Un plaisir de vous recevoir. Merci également à Mathieu Beauchamp, à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Annie Richer, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.